Marseille, Nîmes, quartier ouest. ZUP, quartier nord. Check. Demande à El Negro. Dans nos ghettos, la haine est coutumière. J't'emmerde. Prends le château et récupère ta chaumière. Venu récupérer ma part, égorger quelques porcs. Ramasse Bakaya, Style, Obama, sur notre part. Avare de toutes les richesses dont on nous destitue. La France profonde, pas née, qu'à ce qui paraît la paix situe. Loin de mon coup des sœurs, rap tous piges de récidive. Et la gloire comme la mort, pense gravataire et talon s'est tardé. Alors j'm'écosie, chaque phase a le goût du sang. Le parfum du haut, j'ai aiguisé ma plume à la Saint-Jean. Traverser l'Atlantique, à coup de rame dans le crâne. Y'a que nos larmes comme un berceau du jazz. Vas-y pousse, pousse, t'es le son, c'est le sud en fusion. La division, c'est ce que recherchent les treutrés que nous plaisons. La rue et le vécu est vrai, pas de fiction à la maison. Fais malin, rouillon. Nous connaissons et ça à chaque saison. Une pensée à 100 maisons d'arrêt. Les absents ou expulsés aux deux blés. Ils essayent pas de nous tuper. Quelques balafres dans la 2D. Index, mets-toi en retrait. C'est Carpe Diem, légende urbaine pour les refrains. Urbaine, Carpe Diem et les commerçants. On a la haine, ils nous boycottent depuis nos premières scènes. Sud, sud, nord, t'arrose depuis les quartiers nord. N-I-M-E-S-M-A-R-S. Les gens urbaines, Carpe Diem, ça vient des HLM. On a la voix et le flow que les retraits aiment. Sud, sud, nord, t'arrose depuis les quartiers nord. N-I-M-E-S-M-A-R-S. Les méchants que les gens durs craignent. Toujours inattendu, c'est pur vrai. Carpe Diem et les gens urbaines. Tu divages, je zigzag et mes débuts énormes. Y'a 10 man et 6 gars de sup sud énorme. T'es mort, car je réponds au coup par coup. J'ai des rimes criminelles et y'a du sang dans mes cartouches. Okay. Ma rime te martèle et t'harcèle, l'ami. Trop de cartel, c'est la même de Marseille à Nîmes. C'est déception quand t'essaies de fuir le mal. Aux élections, ils ont donné un chalumeau à un pyromane. Rien d'inédit dans mes propos que du débit sans quiproquo. Je t'ai déjà dit, oui poto, t'as vu le topo. En main terre, j'ai les poumons pleins, shit presque sous terre. Parce que la routine vient dire qu'elle automatique. Besoin d'air pour faire parler mon big, pas besoin d'aide. Pour me penser à mon bif et à faire du chiffre, MC. T'es dead, tu voulais que la chance crête et wanted. L'équipe de chasse. Heure de prime à ta recherche, faut que tu payes. Flip pas la guerre, elle est partie, la mise. Elle est sur ta tête, pas besoin d'une lunette. Ni d'une lettre pour viser ton crâne, ta fête. Tant que t'es proche de ma braguette, ta hanne. Tes rimes, j'ai stressé au doigt et à la baguette. Flo qui stresse, jean, allergique aux paillettes. Dans ton bling bling, ma du pète aux raquettes. Que des purs dans ma structure. Pas de place pour les putes qui se shit sur Zemmel. Roule pas des épaules quand tu te fais marcher dessus. Ton son pue la merde, toute ta team sont inclus. T'affirmes que ma dream est spécialisée dans le crime. Besoin d'un métal chrome pour cribler les adversaires et la robe du monde. Un jour raciste par dépit. Paraît-il que l'état méprise les nôtres. On est heureux quand un compte décrise. Carré compte des vies, perdu à leur actif. C'est compte des billes. Décide de prendre ou pas nos actifs. Les plus véreux prennent des barres chiches. Voilà pourquoi on est heureux quand la barque flippe. Dommage, ce n'est pas aussi classique qu'une Stan Smith. Et la Swiss, trop de l'accès, le plus facile. Le marché black shit dans leurs veines. Ils se sont noyés dans leurs flemmes. Pour de l'argent sale ou simuler ceux qu'un orfèvre ils s'aiment. Ils ne savent pas ce qu'ils vont récolter. Fidèles jusqu'au prochain décolleté. Capable d'escroquer un estropié. Leur politique de bâtard nous ont vénère. Du petit minot respecté, c'est que ça génère. Ce que ça génère, haine, violence, crime. Esprit en furie lorsque l'agressivité s'exprime. La rue veut sa part du butin, putain. Prêt à buter pour faire annuler ce putain scrutin. Le pays adhère au le pénis. Les Maïs et Marianne ont mis leur bout sur le pénis. Et Miss, ça devient caoutchique dans nos HLM. Ragien, un pris pouvoir, demande à Carpe Diem. Tellement de contrôle de flics aimant. Comment tu veux qu'on leur parle calmement? Les gens urbaines, Carpe Diem et les commerçants. On a la haine, ils nous boycottent depuis nos premières scènes. Sud, sud, nord, t'arrose depuis les quartiers nord. N-I-M-E-S-M-A-R-S. Les gens urbaines, Carpe Diem, ça vient des HLM. On a la voix et le flow que les refrains aiment. Sud, sud, nord, t'arrose depuis les quartiers nord. N-I-M-E-S-M-A-R-S. J'suis trop nerveux pour cracher du sentiment. Gentiment, marche en silence sur mon dos, les marques mon bâtiment. Des cent ans, ma rime écrite au cent ans que ma sentence. J'puis la corde avec la même charade que Saddam. Tous mes négas, dirty comme radical. N'est pas tonné dans nos affaires où tu vas te faire péter le quartier. La sienne, tu me cherches, ne me trouve pas sur MSN. Pascal Sevran voudrait que nos couilles aient la même utilité que les siennes. Mais sans farfale, draft by verbal, mon frère c'est de la tuerie. Si la bêtise était un gun, le fin tiendrait une armurerie. Ma gueule, j'suis de ceux que l'odeur de chambre à glace. Ma cape comme hostel, une putain de nuit de noces dans une chambre à glace. Ça part d'un rien, rien, j'ai teint d'un suif, l'envie de prendre de glorie. La rue m'a trahi, cette pute m'a pégé en bas du bloc. La rue c'est danger, je joue du vice, te sors sa lame, t'arrache ton bif. La rue c'est pas un jeu, la rue c'est tranchant. La rue c'est traite à l'aller dans l'ongle, son regard en dit long. Prêt à passer le sel, un mec, elle te bouffe à la longue. La rue veut ton âme, elle t'observe dans un coin. Et pour ses couilles, à la moindre occasion, elle te fume comme un chien. La rue t'enterre, elle profite de ton mérite. La rue c'est le quartier nord, côte mon ciment sont les élites. Même mentalité, même communauté, même identité. Dans 3900, j'ai vu du sang couler et des mères pleurer. Voilà le seum, carpe diem et la légende. Les petites chaînes qui le rap de seum, elles écartent les jambes. Les gens de Marseille et ceux de Nîmes s'unissent. Faut que ce son résonne de Stockholm jusqu'à Tunis. Que tu sois Stokos ou bien Sécos, toujours pris pour planter des rimes, demande à Pécos. Et petit gosse de rue qu'on grandit dans un champ de ruines, dans un champ de tir. Et petit gosse de rue, envie de réussir, de se blinder, de bâtir et de partir. Une voix sortie des décombres, sortie de l'ombre. Vivant la routine, un hiver est sous le soleil des plombs. Les familles font tout pour qu'on échappe au pas de ceux qui échouent dans tout et qui s'enfuient de plus tard. Nous serons dans l'ordre du lieu sur un lit d'hôpital. La rue c'est fatal, quel que soit les poids, des coups, des coups. Tu passes de la ferraille au liasse, derrière ça la ferraille. Les forts vont bouffer, faut le faire, le sommeil c'est ce qui tue frère. Rien à digérer de la bière pour se désaltérer. À cogiter sur des plans et les intégrer. Le gem c'est carré, c'est clair qu'on gêne. Le tour qui sème, le doux quand tu s'ouvres la gueule. Les gens urbaines, carpe diem et les commerçants. On a la haine, ils nous boycottent depuis nos premières scènes. Sud, sud, nord, t'arroses depuis les quartiers nord. N-I-M-E-S-M-A-R-S. Les gens urbaines, carpe diem, ça vient des HLM. On a la voix et le flow que les refrains aiment. Sud, sud, nord, t'arroses depuis les quartiers nord. N-I-M-E-S-M-A-R-S. Marseille, Lille, quartier ouest. J'ai du P, quartier nord. Carpe diem. Les gens urbains et le flow et le refrain. La rose de pure quartier nord.